بسم الله الرحمن الرحيم. طيب rappelle-nous les deux babs d'hier. Raja Philo. Non. Naïan Sub. Sub. Aria. طيب ما جاء في لو سي كوا لو سونس دو سو باب ما هو المقصود من هذا الباب سي انتادي دو دير لو ترادو بار سي سي دون سي دون كون تو دي سا سا كونتيست لو قدر باسكو سي بوسي نعم اذا في معارضه للقدر كما ذكرت هذا يفتح عمر الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سوفر لي زوفر دو شيطان لي بورتا شيطان والوساوس وثاني في سب كما on avait vu dans da que c'est la zone qui contrôle le rire il convient pas de l'insulter c'est comme si on s'était en part sur un mot نعم même malgré cela dans son enseignement prophétique le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a montré quoi ne pas faire et également nous a montré quoi faire en échange, en contrepartie. Même c'est pas seulement ne faites pas, c'est ne faites pas, mais à la place faites cela. Il nous enseigne Yurshiduna ila al-Afdal. Taïb Nouwasil. Qala al-Mu'allifu rahimahullah ta'ala, bab qulillahi ta'ala, yadhunnuna billahi ghayril haqq, dhunna al-jahiliya, yakuluna hal lana min al-amr min shay. قل إن الأمر كله لله. Dans la parole d'Allah ou dans le sens, il pense d'Allah une pensée autre que la vérité, une pensée de la jahiliya. Ils disent, est-ce que nous avons une part dans l'affaire? Dit, l'affaire tout entière est pour Allah seulement. وقال الله تعالى أذانين بالله ظن سوء عليهم دائرة السوء. Ceux qui pensent d'Allah d'une mauvaise pensée, que le mauvais sort les atteigne, qu'ils soient atteints d'un mauvais sort. قال المقصود من هذا الباب أن كثيرا من الناس لا يسلم لحكمة الله ولا يسلم لا يسلم لله قدره ولا يسلم لله قدره السابق ويسلم له سبحانه وتعالى ما أراده من تنبيه العباد لا أغلاطهم وأخطائهم حتى يستعدوا وينتبهوا بل أسوء الظن بالله من وجوه كثيرة. Donc qu'est-ce qu'il a voulu parler le mu'allif? Démontrer que beaucoup de gens ne se soumettent pas comme il se doit à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il a décrété dans le destin. Ils ne se rendent pas compte que Allah subhanahu wa ta'ala veut par là mettre en évidence leurs erreurs et leurs fautes afin qu'ils reviennent et qu'ils se corrigent. Qu'ils se préparent. Donc ils ont pensé du mal d'Allah dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur fait subir. Thumma zakara minhum idat aqsam. Qal fa minhum man yadhun an al-ashya allati taqa مما تخالف هوا لم تكن بحكمته ولم تكن بقدر سابق بقدر سابق. Donc parmi eux, t'en as qui pensent que les choses qui les touchent, ces choses qui s'opposent à ses passions, ce que lui il veut, cela ne fait pas partie de la hikma d'Allah, juste le qadar. Il n'y a pas de hikma derrière. D'accord, dans les choses qui le touchent, dans ce qui s'oppose à ce que lui désirait avoir. ومنهم من يظن انه بمجرد المشيئه لا عن حكمه تقع. Certains ils pensent que cela est dénué de toute sagesse, c'est juste une chose que Allah a voulu, genre comme si Allah l'avait envie, خلاص ça a été fait comme ça. ومنهم من يظن ان الله جار على العباد وظلمهم حتى فعل كذا وكذا وظلم فلانا وهزم فلانا فلماذا هذا كله تفلانا وتفلان T'as le nasb, t'as le tenouin. Ah, moi j'ai pas. Non, c'est bien. Donc parmi eux, ça sont les pires encore. qu'ils pensent que Allah est injuste envers sa création, envers ses serviteurs, qu'il leur a fait du mal, qu'il est injuste envers un tel et qu'il a rabaissé un tel. Pourquoi tout cela? Et ça, c'est un kelem qu'on entend beaucoup chez les koufars quand ils voient des choses dans le monde qui leur déplaisent. Pourquoi la famine? Pourquoi il y a des guerres? Servir un Dieu, pourquoi toutes ces choses-là? Pourquoi un tel il est mort? Pourquoi il se passe telle et telle chose? Pourquoi les ouragans? Pourquoi les tempêtes, les tremblements de terre et tout ça? Donc ils n'ont pas compris. Ils contestent cela. Pour eux, tout doit être beau, prêt et facile. Naam. Donc là, ça va être bien dans ce bab-là par rapport à ça. Parmi eux, tu en as, c'est des gens qui s'apparentent à l'islam qui contestent cela. Et tu en as d'autres qui contestent carrément que par cela qu'il n'y ait même pas de créateur. D'ici, il y avait un créateur, pourquoi toutes ces choses-là auraient lieu? C'est-à-dire qu'il est méchant, il est mauvais. Wa li'azbillah. Et ça, c'est des akouels que j'ai déjà entendu moi-même. Ils sont proches de ma famille. Des gens qui sont chrétiens. Non. En plus. Taïe. Donc là, il va citer un kalam de Muqayyim qui lui, en lui-même explique le tout, qui n'a pas besoin de ta'liq vraiment. Car après, dans le charh, il cite une parole. Et je ne sais pas de qui elle vient, car moi, je n'ai pas de référence. À la fin, il dit « Intaha ». Est-ce que tu as ça à la fin de ton livre? C'est dans le même. Voilà, ici. J'ai ça. Mais moi, je ne sais pas. Il attribue cette parole à Ibn Qayyim. J'ai regardé dans les kutub de Ibn Qayyim, parce que j'ai un chien, mais là, je n'ai pas trouvé ce kalam-là. Et dans le matn également, il y a un kalam de Ibn Qayyim dans Zad al-Ma'ad, qu'on va lire maintenant. D'accord? Donc, l'auteur du matn a mis un kalam de Ibn Qayyim et Shir Ibn Baz a zahir qu'annahu il a également rapporté un autre kalam de Ibn Qayyim dans le même sujet, mais là il n'y a pas la référence le deuxième et je ne l'ai pas trouvé, donc je ne peux pas t'éclaircir là-dessus. De toute façon, le deuxième kalam dans le charh, on ne va pas tout lire, pas besoin. Le kalam de Ibn Qayyim dans le matn, yakfi inshallah, yakfi tayyib nakra kalamahu et on traduit au fur et à mesure car ça. يعني يا طول شوية. قال ابن القيم في الآية الأولى. rapport au verset. أيه قال ابن القيم الآن ما نقول هنا. qui est ici cité. il vient de Zad al-Ma'ad. قال فسر هذا ظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله. وأن أمره سيد محل وفسر بظنهم أنما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. Donc il dit que ce verset a été expliqué comment? Que cette pensée, ces gens-là ont une pensée que Allah ne sauvera pas son messager par rapport au premier verset. Que Allah ne sauvera pas son messager. Et que l'affaire va s'éteindre. C'est-à-dire que ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam est en train de faire, ça va s'éteindre. C'est voué à l'échec. Et ils pensent que ce qui les a atteints, cela ne provient pas du destin ni de sa sagesse. قال ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره الله أن يظهره الله على الدين كله. Donc ils ont justement, ils ont blâmé cette sagesse, ils ont fait une carte de cette sagesse du qadar, et ça revient au kalam précédent que Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas parachever et accomplir son décret par son messager, ni ne le faire avoir le dessus sur ses ennemis et faire apparaître ta religion entièrement. Ça, c'est le zone de qui? Des munafiqin. Et ça a été tiré comme tafsir du premier verset. قال هذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. Donc ici, voici la mauvaise pensée qu'ont eu les munafiqun, les mushrikun, cité dans surat Fath. Et là, Ibn Qayyim, il parle de quel verset? Adhannina billahi dhanna saw, alim da'ilat as-saw. Et celui-là qui parle, Ibn Qayyim, et non pas du premier. Voyez, ceux qui pensent du mal d'Allah, que leur atteigne un mauvais sort. Donc Ibn Qayyim parle de ce verset-là. وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وتعالى وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. Car cette pensée, elle est mauvaise. Elle ne revient pas elle ne revient pas à la sagesse d'Allah, à sa louange et à sa promesse qui est véridique. Car Allah SWT a promis tout le contraire de cela. فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ الْبَاطِلَ لَلْحَقِّ إِدَالَةِ مُسْتَقِرَّ يَدْمَحِلُّ مَعَهَا الْحَقِّ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَى بِقَدَائِهِ وَقَدَرِهِ أو أنكر أن يكون قدره بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا وويل الذين كفروا من النار. Donc celui qui pense justement que Allah va faire, que le faux va prédominer sur le vrai, c'est-à-dire une prédominance continue, c'est-à-dire des fois il se peut qu'il y ait un affrontement entre les gens du vrai et les gens du faux, et que partiellement les gens du faux prennent le dessus. Mais ce n'est que temporaire. Eux, ils pensent ça, que ça va être une prédominance continue. Que les gens du faux vont prendre l'avantage sur les gens du vrai, et qu'ils vont s'instaurer sur eux, il est l'abad. Et que pour eux, la vérité va disparaître. Et qu'ils ne reconnaissent pas, renient que cela provienne justement de ce que Allah a décrété de son destin. Et également rejette et renie que cela fasse partie de sa sagesse, qui elle-même mérite à la base d'être louée. Voire même, ils prétendent que cela fait juste partie de son envie. C'est une chose qu'Allah a envie de faire, mais il n'y a pas de sagesse derrière. Donc ça, c'est la pensée des gens qui ont mécru, au malheur pour ceux qui ont mécru, et Annie les avertit du feu. Malheur sur eux, du feu de l'enfer. قال واكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فما يختص بهم فيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك الا من عرف الله واسماءه وصفاته موجب حكمته وحمده او حمده. Et que la plupart des gens pensent du mal d'Allah dans ce qu'il est propre à eux ou dans ce qu'il fait à autrui, c'est-à-dire quand une chose les touche ou touche des proches, quand même, qui pensent du mal de cela. Et personne n'est épargné de cette pensée mauvaise, hormis qui aura connu Allah réellement, ses noms, ses attributs, et ce que cela implique comme sagesse. C'est-à-dire ses noms et attributs, cela implique une sagesse qui en découle. Si tu sais qu'Allah, mathalan, c'est le Hakim, donc tu sais qu'il a la hikmah, qu'est-ce qui implique que les choses qui auront lieu, elles auront forcément une raison d'être et il y a un bien derrière, qu'on l'ait compris ou pas. Par exemple, قال فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتوب الى الله واستغفر من ظنه بربه ظن السوء. Il dit donc celui, l'intelligent, conseillé, c'est-à-dire pour lui-même, fasse attention à cela, qu'il prenne soin à cela, de se rendre compte, de méditer sur cela. Et qu'il se repente auprès d'Allah, qu'il demande pardon, si jamais il avait une mauvaise pensée envers son Seigneur. وَلَوْ فَتَّشْتَ مَنْ فَتَّشْتَ لَأَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَنَعُوتَنْ عَلَى الْقَدَرِ وَمُلَامَةً لَهُ. Il a dit donc, si jamais tu scrutais chez les gens, tu trouverais qu'ils ont justement un refus du Qadr, un refus du Qadr et une obstination face au Qadr. وَأَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا وَهَكَذَا فَمُسْتَقِلْ وَمُسْتَكْثِرْ فَفَتِّشْ نَفْسَكْ هَلْ أَنْتَ سَالِمْ. C'est-à-dire que ces gens-là, quand tu scrutes en eux, tu vois qu'ils pensent que les choses auraient dû se passer comme eux, ils voient. Ils auraient dû se passer de telle et telle façon. De telle et telle façon. Et parmi eux, certains ont beaucoup cette pensée et d'autres l'ont moins. Et si jamais toi, fouille en toi, scrute en toi-même, est-ce que tu as été également atteint de cela? Quand même, cette pensée-là. C'est-à-dire une obstination et une contestation envers ce que Allah a décrété. Faqal, après la cité des versets, des vers, dans lesquels il dit Fa'in tanju minha tanju min zi azima. Donc il a dit, si jamais tu as réussi, c'est-à-dire tu as été épargné, c'est que tu as été épargné d'un grand mal. Sans quoi, je ne pense pas que tu sois épargné. dans le sens. C'est-à-dire, si jamais toi, ce mal-là, t'en étais épargné, alhamdulillah, t'en as pas été épargné, on craint pour toi par la suite de ce qui peut t'arriver. Hada ma'ana al-bayt fima yadhar li. Donc le khulasa du kalam ibn al-Qayyim, il dit quoi? Que les gens sont atteints d'une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a décrétée pour des raisons. Et eux, le refusent, n'y voient pas de sagesse. Comme elle leur est pas apparue, ils voient qu'il n'y a pas de sagesse. Ou que Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela que par envie. Et qu'il était injuste. Alors qu'on sait que Allah subhanahu wa ta'ala fait ce genre de choses pour une hikma baliha, pour tester les mu'minin, pour vous démontrer qui est le sincère et qui est le menteur. Et parmi ceux-là, des fois, Allah subhanahu wa ta'ala veut des shuhada, des martyrs. Il veut élever en degré. Et pour également pousser le mu'min à faire tawba lorsqu'une chose l'atteint, qu'il sache que cela ne l'atteint que pour ce que ses mains ont accompli. Car des fois, des gens perdurent dans les péchés, dans le mal, ne s'en rendent pas compte. Lorsqu'une épreuve les touche, là, ils se remettent en question. Ce qu'il est contraint à quoi? À faire tawba, à demander pardon à Allah. Et Allah, il aime cela. Allah, aime cela. Comme a dit Azza wa Jal, le chien le cite, « Awalamma sabatkum musiba, kod usibtum misleiha, kultum anna hadha, kulu wa min indi anfusikum, inna allaha ala kulli shay'in qadir. وما صابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. Il dit, lorsque une chose, un malheur vous a atteint, alors que vous avez déjà été auparavant deux fois par ce même mal, vous avez dit, d'où provient cela? Dit, cela vient de vous-même. Et Allah est capable de toutes choses. Allah est omnipotent. Et ce qui vous a atteint le jour où les deux groupes se sont rencontrés, cela n'a lieu que par la permission d'Allah. Afin que Allah sache qui est le croyant et que Allah sache qui est le munafiq. Allah, il le sait. Il faut faire apparaître les actes, en fait. Allah, il le sait déjà. Mais il faut le faire apparaître. Au zahir, l'jamia. Donc les munafiqoun, les gens qui ont du mal dans le cœur, lorsqu'une épreuve les atteint, ils pensent du mal d'Allah. Que cela ne mérite pas et que cela n'a pas lieu d'être à la base. Et que cela est passé de telle et telle façon. Donc là, ce qui nous revient à nous, c'est de reconnaître nos fautes, nos manquements, nos erreurs, et de revenir. Quand même, et de revenir. Al-Qouz al-Masa'il, قال, Al-Oula tafsir ayat Al-Imran. Tafsir du verset cité au début de Al-Imran. Al-Thaniya tafsir ayat Al-Fath. L'expression du verset de Sourate Al-Fath. C'est de ce verset-là dont parle Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Al-Ikhbar bi anna dhalika anwa' la tuhsar. C'est-à-dire que cette mauvaise pensée est de différentes catégories, différentes sortes, indénombrables. Le chien n'en citait que certaines, il y en a plein d'autres. Anna la yaslam min dhalika illa man 'arafa al-asma wa as-sifat wa 'arafa nafsah. Et que personne n'est épargné de ce genre de pensée, hormis celui qui aura connu Allah, ses noms et attributs, et qui connaîtra sa propre valeur, la valeur de sa personne. Et ça, c'est qui est comme ça? C'est les mu'mines. Après, les mu'mines diffèrent. Tu en as parmi eux qui ont plus d'humilité, d'autres qui en ont moins. Taïb. Thumma qala al mu'allif rahimahullah ta'ala. Bab ma ja'a fi munkiri al-qadar. Ce qui est venu à propos de ceux qui renient le destin. Qala al-shaykh rahimahullah ta'ala. لما كان الإيمان بالقدر من الأصول من أصول الإيمان وضع المؤلف هذا الباب لأن هذا مما يحصل به التوحيد وينتفي به الكفر. Donc là, justement, la foi au qadar fait partie des piliers de la foi. Donc le mu'allif l'a expliqué ici. Car s'opposer au qadar, ça amène à s'opposer au tawhid. قال أي باب ما جاء من الوعيد الشديد والتحذير الأكيد من إنكاره وتكذيب به. Donc là, il est venu pour citer ce bab pour démontrer quel châtiment sévère plane sur ceux qui ont renié le qadar, la menace qui plane sur eux, et que cela est une chose qui est indéniable. Ce châtiment qui va les toucher du fait qu'ils auront démenti le qadar. قال وكان المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد آمنوا بالقدر سلموا به لله ثم نبتت بعد ذلك نباته في آخر عهد الصحابة وبعد ذلك فأنكروا القدر وقالوا الأمر أنف وزعموا أن إثبات القدر يخالف العدل وكيف تقدر الأمور ثم يعاقب العاصي والكافر لما فعل جهلا منها وضلالا والتباسا لأمر عليهم والتباسا للأمر عليهم. Donc il dit que les musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux ils ont cru au qadar et ceux s'y sont soumis. Et par la suite est apparu à la fin de l'époque des sahaba des gens qui sont mis justement à rejeter le qadar. Ils ont dit que les choses viennent, parviennent d'elles-mêmes, comme ça. Ils ont dit que le fait d'affirmer le qadar, cela amènerait à quoi ? À s'opposer à l'équité et à la justice. Pourquoi ? Comment Allah prédestinerait des choses sur une personne et par la suite, il le châtierait pour cela ? Et cela par ignorance et par égarement. Et la chose les a mis dans la confusion. Et la vérité, c'est quoi ? C'est que ceux que les gens de la vérité, parmi les compagnons du message d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont suivi leurs traces, parmi les gens de la sunna, eux, ils croient au qadar. Ils savent que Allah est celui qui a prédestiné les choses. Il les a écrits, et ensuite, qu'il n'a lieu dans son royaume que ce qu'il veut. Rien n'a lieu dans le royaume d'Allah, si ce n'est par sa permission et qu'il l'a voulu. Donc là, on prend ce que l'auteur a cité dans le matin. قال ابن عمر رضي الله عنه والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحد مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره رواه مسلم. Donc Ibn Omar, il a dit quoi ? En jurant par celui dont mon âme est dans sa main, c'est-à-dire l'âme d'Ibn Omar, que s'il est un d'entre eux parmi ceux qui ont dit que l'Amr Unuf, qu'il ne croit pas au Qadar, si jamais il dépensait l'équivalent de Uhud en or sur le Fisabilillah, que Allah n'accepterait rien de lui tant qu'il ne croira pas au Qadar. Et c'est après, de là, il cita le hadith de Omar ibn Khattab, le hadith de Jibril, et le shahid dans ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit parmi les arkans de l'Iman qu'il croit en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier et au qadar, qu'il soit bon ou mauvais. Car le hadith de Jibril, c'est comme ça qu'il a eu lieu. Que deux parmi les salafs sont partis en Hajj et ont croisé Ibn Omar. Ils cherchaient un sahabi pour l'interroger à propos de certaines paroles des gens de leur contrée disaient, parmi des gens qui lisaient le Coran, qui faisaient Talab al-Ilm, qui disaient qu'il n'y a pas de qadar. Et là, ils interrogèrent Ibn Omar et il a dit cela. Et il a dit quoi Ibn Omar dans le même affaire ? Il a dit « Wa akhbirhum bi annahum bura'a minni wa nabari'u minhum » Ils sont innocents de moi, je suis innocent d'eux. C'est-à-dire c'est un takfir qu'il a fait d'eux. Il les a kaffar. Après, c'était le hadith de Omar ibn Khattab. Et le shahid, c'était cela. Cité que dans le destin, dans le iman, le fait de croire au destin. « Qal al-mu'allif rahimahou ta'ala » عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا ابني ويا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب فقال يا ربي ماذا أكتب قال أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير ذهب من مات على غير هذا فليس مني. وكل ذلك هو الصحابي رضي الله عنه عبادة بن الصامت il a dit à son fils ô cher fils tu ne goûteras jamais à la saveur de la foi tant que tu ne sauras pas que ce qui t'a atteint devait t'atteindre et ce qui ne t'a pas atteint ne devait pas t'atteindre. J'ai entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire que lorsque Allah a créé la plume le hadith là, il y a un ta'wil dedans par rapport à la plume, on va en reparler après, qui lui a dit, écris. La plume a dit, ô Seigneur, que dois-je écrire? Il lui a dit, écris tout ce qui, tous les événements qui auront lieu jusqu'à ce que lève, jusqu'à ce que ne vienne l'heure. Après, il reprit Ubada en disant à son fils, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui meurt sans croire cela, ne fait pas partie de moi. C'est-à-dire au qadar. Et là, c'est un takfir également. Maratib le qadar, les ulama le citent bien. Elles sont de quatre. Awalan ilmullah bil ashia. Que Allah a connu les choses en premier lieu. Thanyan kitabatuha. Que Allah les a écrits. Ain fil louh il mahfouz. Thalithan. Qu'ensuite, troisièmement, anna ma sha Allah ken wa lam yasha lam yakun. Que ce que Allah a voulu aura lieu. C'est-à-dire qu'ensuite, après que Allah ait connu les choses, il les a écrites, il les a voulu. Quatrième, annahu khaliqu kulli shay wa muqaddir kulli shay. En fait, ces choses-là, en quatrième étape, il les a créées. Donc avant qu'il les ait créées, il les a voulu. Avant qu'il les ait voulu, il les a écrits. Avant qu'il les ait écrits, il les a connus. Tamam? C'est pour cela que l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il dit quoi? Pour les qadariyas, ceux qui renient le qadar, tu leur dis quoi? Il a dit, naqishuhum jadiluhum bil-ilm. C'est-à-dire, vous débattez avec eux par rapport à martabat al-ilm. Est-ce que Allah a connu les choses avant ou pas? Si jamais ils disent non, c'est-à-dire que vous dites que Allah il a du jahl. Ça, c'est des koufres. Ils ne vont pas dire qu'Allah yajal l'humour. C'est-à-dire qu'Allah ne connaît pas les choses. Ils ne pourront pas dire cela. Donc ils seront bloqués. C'est-à-dire que toi, tu les prends avec le ilm. Est-ce qu'Allah connaît les choses avant qu'elles aient lieu ou pas? Ils sont obligés de dire oui. Donc, tu vas leur dire, est-ce qu'il se peut qu'il se passe une chose, qu'il se passe une chose sans que Allah ne l'évolue? C'est-à-dire qu'il y a des choses que Allah ne contrôle pas. Ils ne pourront pas dire oui. Tu dis khalas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ces choses-là, il les a voulu. Dans quel sens? Le mashi'a al-kouniya. Qui revient à l'irada al-kouniya. Ça, c'est un autre bab, inshallah, qu'on prendra dans la tadmouriya bizna ta'ala. Que ce n'est pas tout ce que Allah veut que forcément il aime. C'est pas tout ce que forcément Allah veut qu'il aime. Donc Allah, min asma'ihi al-alim. Comme il dit à Azawajal, inna Allah bi kulli shay'in alim. Que Allah, il est omniscient, il sait tout. Donc si quelqu'un te dit qu'il n'y a pas de destin, tu vas dire donc Allah n'a pas ce qu'il se passait, il va te dire. Il sera bloqué. Si jamais il dit qu'Allah les a ignoré ces choses-là, c'est la mécréance pure, directement. Et ce hadith de Ubadah est confirmé par le hadith d'Ibn Abbas, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يُكُنْ يُخْتِئَكَ. Le hadith d'Ibn Abbas dans la deuxième partie. Il dit quoi? Que ce qui t'a atteint devait t'atteindre. Ce qui ne t'a pas atteint ne devait pas t'atteindre. Et sache que le secours il vient après la patience et que le soulagement vient après l'affection et qu'après la difficulté vient la facilité. Tous ces hadiths viennent démontrer que le qadar il existe et on doit y croire. Ne pas y croire, cela est de la mécréance. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa fi riwaya li Ahmed anna awwal ma khalaqa Allah ta'ala al-qalam fa qala lahu uktub fa jara fi tilka as-sa'a ما هو كائن الى يوم القيامه وفي روايه لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره اخلقه الله بالنار. Dans une version de l'imam Ahmed qu'il a dit que lorsque Allah a créé la plume, il lui a dit d'écrire tout ce qui aura lieu jusqu'à l'heure, jusqu'au jour de la résurrection. Dans une version de Ibn Wahb que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a dit quoi à la fin? Que celui qui ne croit pas au qadar, en son mal ou en son bien, que Allah le brûlera dans le feu. Ça se revient, c'est la suite du hadith de Ubadah. Wa fil musnad wa sunan an ibn Daylami qala ataytu Ubay ibn Ka'b wa qultu fi nafsi shay min al qadar fa hadithni bi shay'in 'ala Allah yudhhibuhu min qalbi fa qala law anfaqta mithla uhud dhahab ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك ولو مت على غير ذلك أو على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمن وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه وكذلك الألباني. Donc dans le Musnad, dans les Sunan de Ibn Daylami, qu'il a dit, je me suis rendu auprès de Ubay ibn Ka'b. Et je lui ai dit, je ressens en moi une chose par rapport au Qadar. C'est-à-dire, donc il lui a dit, apporte-moi une chose qui fasse que cela, par laquelle il se peut que Allah enlève de moi ce doute dans mon cœur. Il a dit, Ubay ibn Ka'b, il a dit, si tu dépensais l'équivalent de Uhud en or, Allah n'acceptera pas de toi tant que tu ne croiras pas au Qadar. Et que tu saches que ce qui t'a atteint devait t'atteindre. Et ce qui ne t'a pas atteint ne devait pas t'atteindre. Et que si jamais tu devais mourir sur une croyance autre que celle-ci, que tu serais parmi les gens du feu. Il a dit, je me suis rendu auprès d'Ibn Mas'ud et Huzayfa ibn al-Yemen et Zayd ibn Thabit, et tous m'ont dit la même chose du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc celui qui refuse quelque chose du Qadar, qu'est-ce qu'il a refusé? Un pilier de la foi. Ce qui l'amènera à quoi? À mécroire. Wal'iaz billah. Donc ça c'est la vérité et c'est la croyance des gens de la sunna. Tamam, qu'on doit croire au Qadar. Là maintenant, par rapport au hadith, par rapport au qalam, le hadith laisse apparaître que la première chose que Allah a créée, c'était le qalam. Première des créatures. Et le hadith peut être interprété par rapport à l'arabe en arabe. Que ça peut être également, on pourrait dire que la première chose que Allah a créée, c'est le qalam. Et en arabe, ça apparaît également que, en fait, en premier, c'est-à-dire en premier lieu, lorsque Allah a créé le qalam, il lui a dit, écris telle chose. Les deux sont envisageables. Et ce qui démontre que ce n'est pas le qalam qui est écrit en premier, un autre hadith qui est venu, muttafaqun alayhi, an Imran ibn Hussein, que le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, قال, ولم يكن كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر مقادير كل شيء. Qu'il a dit quoi, sallallahu alayhi wa sallam, que Allah existait et qu'il n'y avait rien avant lui et que son trône était sur l'eau, puis il créa les cieux et la terre et il écrit, c'est-à-dire dans l'Ouh Mahfouz, toutes les choses qui auraient lieu. Donc là, ça démontre que le Arsh était présent avant le Qalam. Et l'eau également. Vous voyez? Parce qu'il a dit après, ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Et après cela, il a créé les cieux et la terre. وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ. Et il a écrit les choses, le dosage de chaque chose. Le maqadir, c'est-à-dire le destin. Donc maintenant on sait que le waouh, m'expliquez quoi, n'implique pas forcément un ordre. Mais en tout cas, avant ça, il y a summa. C'est-à-dire que son arche était là, que l'eau était là, et après il a créé. Donc le kalam est venu après l'arche, ou à bard al-ma. Adalazi azor, wallahu ta'ala alam. Bien que certains ulama voient que c'est le kalam qui a été créé en premier. Donc le qadar est parmi les piliers de l'iman. Et ne pas y croire, faire de toi un kafir. Faire de toi un kafir. Ou alors une affaire de tawhid. Taïb, vous prenez ma sa'il. Qal. Al-oula, bayen, fard, al-iman, al-qadar. L'obligation de croire au qadar. Al-thaniya, bayen, kayfiyat, al-iman, bihi. Comment tu dois y croire? C'est-à-dire, tu dois y croire avec conviction, avec jazm, sans douter. Mais des fois, des wasawis, ils viennent. Ça arrive à tout le monde. Ces wasawis, tu les repousses comment? Tastaïf billah min ash-shaytan al-wajim. Des choses, des fois, des doutes te viennent. Ça, c'est Shaitan qui vient avec des wasawis, insufflation. Tu les repousses. Al-thalitha, ihbat amal man lam yu'min bihi. Que les œuvres de ceux qui n'y croient pas sont annulées. Al-rabi'a, al-ikhbar, anna ahadan la yajid ta'am al-iman hatta yu'mina bihi. Qu'on a été informé que personne ne croit, n'aura la saveur de la foi tant qu'il ne croira pas au Qadar. toi qui ne crois pas au qadar. Al-Khamisa, dhikr awwal ma khalaqallah. Là, le shir cite l'auteur, quelle est la première chose qu'Allah a créée. Car lui, il a dit que c'est le qalam. Sadisa, an wujara bil maqadir fi tilka sa'a, il y a qiyam sa'a. Que Allah a écrit les destins de chaque chose, les dosages de chaque chose, depuis le moment où il a créé le qalam jusqu'à ce que vienne l'heure. Al-Sabi'a, bara'atuhu sallallahu alayhi wa sallam min man lam yu'min bihi. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue aussi innocente de celui qui n'a pas cru au qadar. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. Que les salaf, justement, eux, venaient pour estomper les ambiguïtés des shubuhat. De quelle façon? En demandant aux savants. Quand tu as une shubuha, demande aux ulama. Une shubuha, tu ne la gardes pas en toi. Tu doutes, tu as un waswas ou quoi? Demande, questionne pour le faire partir. التاسعة أن العلماء أجابوه بما يزيل عنه شبهته. وذلك أنهم نصبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. Et que les ulama, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont répondu parce qu'ils enlèvent cette shubuhat et qu'ils ont attribué cette parole à qui? Au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, c'est tout. Donc là, en plus, ça te ramène quoi? Que les salafs informaient du dalil. Ils ont informé les conséquences et ils ont dit qu'en Rasulullah صلى الله عليه وسلم. Donc il n'y a pas de taqlid également. Ils t'informent de la chose avec le dalil. Car c'est ça qui va te rendre, qui va te convaincre, c'est le dalil. نعم هذا هو الذي أخذنا اليوم تمام فإلى هنا والحمد لله رب العالمين